tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Das noites perdidas. Tantas vezes na vida, mas se ele insistir, mas se ele voltar, aqui estou sempre a esperar. Mas se ele insistir, mas se ele voltar, aqui estou sempre a esperar. Está a ouvir Ouro e Platina. ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. J'oublie les clés comme toi. Dans ma roulotte, y'a rien à voler. Y'a des gens, tout comme toi. Je suis tout en déséquilibre. Deux bras tendus vers toi, j'essaie de retrouver la piste. Oh, dans ma grande robe blanche, je descends les escaliers du bal. Je tourne serré tout contre toi, papa, et j'ai plus mal. J'ai l'air de pierre, je brûle comme du bois. Faut simplement craquer la l'allumette et regarder au fond. Tout au fond, j'ai l'impression d'être tout comme toi. Ça fait longtemps, 40 ans, bon sang que ton sang coule dans mes veines. Oh, je voudrais tellement que tu me racontes une belle histoire, une histoire de lutin qui court tout seul dans une forêt de nénuphars. Il était une fois, comme dans un conte de fées. Dans ma grande robe blanche, descend les escaliers et du bal. Je tourne serré tout contre toi, papa, et j'ai plus mal. Parfois j'oublie les clés, comme toi. Dans ma roulotte, y'a rien à voler, y'a des gens. Oh, lui platina, oh, lui platina. true.